just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone. Boop-boop-bidou. Je me suis toujours sentie une non-personne. Et ma seule manière d'être quelqu'un a été probablement d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai voulu jouer et être actrice. I wanna be kissed by you. Hello. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Deuxième épisode. Février 1960. Après deux entretiens dans le bungalow du Beverly Hills Hotel à Hollywood, le psychanalyste de Marilyn, Ralph Grinson, lui avait proposé de la recevoir à son cabinet. Durant les presque six mois du tournage du milliardaire, Marilyn quittera le plateau tous les après-midi pour se rendre à North Roxbury Drive, à mi-chemin entre le studio de la Fox sur Pico Boulevard et l'hôtel sur Sunset. Elle était en pleine détresse. Elle s'estimait maltraitée et mal payée, mais elle devait un dernier contrat à la Fox. Le tournage du milliardaire n'avançait pas. On réécrivait le scénario en permanence et une atmosphère de désastre planait sur cette production. Écoutez, elle arrive. Alors tout le monde en place, on va la tourner. On va en place. Ne cache pas, merci. Tous les matins, l'équipe attendait qu'elle se réveille. Elle arrivait sur le tournage avec plusieurs heures de retard, bouffie et assommée par l'usage des barbituriques. Juste avant de tourner ses premières scènes avec Yves Montand, elle disparut trois jours. Je voudrais disparaître. Dans l'image ou hors de l'image, je m'en fous. Mais disparaître. Un soir, Montand pousse sa porte, s'assit à ses côtés sur le lit, lui prend la main. Elle l'attire sur elle et l'embrasse avec une sorte de désespoir joyeux. Yves Montand, let's make love. Faisons l'amour. Ce n'est pas seulement le titre du film. Mais très vite, elle comprend que l'acteur français n'est lui aussi qu'un figurant dans l'histoire d'amour qu'elle se raconte à elle-même depuis toute petite. Toujours la même histoire. Le soir, l'homme s'endort avec Marilyn Monroe. Et le matin, il se réveille avec moi. Mais lui, Montand, j'aimerais qu'il m'aime. Laissez tomber. Et vous, qui aimeriez-vous aimer ? Grace. Qui était-elle pour vous ? Personne. Une amie de ma vraie mère. Enfin, je veux dire de la fausse. La vraie, c'est Grace. Elle voulait faire de moi une star de cinéma. Ma mère, je sais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Une morte. C'est étrange. Il n'y a qu'à vous que je peux en parler. Je dis toujours aux journalistes que ma mère est morte. Elle vit toujours, mais je dis vrai quand je dis qu'elle est morte. Quand on m'a mise à l'orphelinat d'Elsen 3 Avenue, je criais, non, je ne suis pas orpheline. J'ai une mère. Elle a des cheveux rouges et des mains douces. Je disais vrai. Sauf qu'elle ne posait jamais ses mains sur moi. Vous avez étudié quoi avant de devenir actrice? Je n'ai pas fini mes études secondaires. Je posais. J'étais modèle. Je me regardais dans les glaces ou dans les gens pour savoir qui j'étais. Vous avez besoin du regard des autres pour ça? Des hommes? Pourquoi des hommes seulement? Marilyn n'existe pas. Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Et même quand la caméra tourne. Marilyn Monroe n'existe que sur l'écran. C'est pour ça que vous êtes si angoissée de devoir tourner ? Vous avez peur que le cinéma ne vous vole votre image ? N'est pas vous, cette femme sur l'écran ? L'image vous donne vie et en même temps elle vous tue. Et le regard réel des gens réels dans la vie réelle ? Trop de questions, docteur. Je ne sais pas. Et quand vous êtes seule, que faites-vous ? Grinson remarqua qu'entre deux regards, quand personne ne faisait attention à elle, son visage se relâchait, se défaisait, mourait. Joyce, Kafka. Et de la poésie aussi. John Keats. Et j'écoute aussi beaucoup de musique, du jazz. Et du classique aussi. Et Arthur Miller. Ah, Arthur. Il m'a beaucoup appris. C'est un intellectuel, vous savez, docteur. Mais il est devenu de plus en plus insensible. Au début, il croyait que j'étais un ange, mais ensuite, très vite, il s'est demandé s'il n'avait pas eu tort de se marier avec moi. Sa première femme l'avait quitté, mais il m'accusait d'avoir fait pire. Un jour, je suis tombée par hasard sur son carnet de notes et j'ai lu « Je n'aurais pas dû me marier ». Pas avec elle. Elle n'est qu'une femme-enfant imprévisible et lointaine. Abandonnée et égoïste. Ma vie et mes créations seront mises en danger si je cède à son perpétuel chantage à la souffrance. Mmh. Les hommes ne me regardent pas, ils jettent les yeux sur moi, c'est pas pareil. Vous, c'est différent. La première fois que vous m'avez reçue, vous m'avez regardée comme du fond de vous-même. Comme s'il y avait quelqu'un en moi à qui vous alliez me présenter. Oh, ça m'a fait du bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le psychanalyste rapporta peu après à son collègue, Milton Wexler, ses impressions de début de cure. « Quand l'angoisse monte en elle, elle se met à agir en orpheline, en enfant abandonné, en masochiste qui provoque les autres et fait tout pour qu'ils la maltraitent et abusent d'elle. L'histoire de son passé se focalise de plus en plus sur les traumatismes que vivent les orphelins. Cette femme de 34 ans continue de penser qu'elle n'est qu'une enfant abandonnée et sans défense. » Elle se sent insignifiante. Lee Strasberg dit toujours que je dois partir de moi-même. Je lui réponds, moi-même ? Qu'est-ce que c'est moi-même ? Qui ? Je ne suis pas si importante. Qui croit-il que je suis ? Marilyn Monroe ? En même temps, sexuellement insatisfaite, elle tire une fierté immense de sa propre apparence. Elle se juge très belle, voire la plus belle femme du monde. La beauté. Quand elle doit apparaître en public, elle fait tout pour se rendre séduisante et donner une bonne impression, alors que, chez elle, quand personne ne la voit, elle peut complètement négliger sa tenue. Rilke dit que la beauté n'est que le commencement du terrible. Embellir son corps est pour elle le principal moyen d'acquérir une certaine stabilité, de donner un sens à sa vie. Vous savez, les femmes vraiment belles ne le sont pas tout le temps. À certains moments, elles sont banales, laides. La beauté est un passage, pas un état. La plupart des gens se trompent en pensant qu'ils sont un seul moi toute leur vie. Bien plein, constant, fermé. Comme ils seraient plus tolérants envers les autres. S'ils reconnaissaient qu'ils sont eux aussi en morceaux. Troués. Changeants. Juin 1960. Toujours très angoissée à l'approche de son anniversaire, Marilyn a l'impression de chanter sa propre vie en playback sur une musique déjà enregistrée, peinant à y joindre ses propres paroles. Avant de tourner une des dernières scènes du milliardaire, elle écrit « De quoi ai-je peur ?» Refusant toujours Entrez. Un peu plus de quitter sa loge, sirotant chaque jour son gin dans une tasse à café, incapable de se souvenir de plus d'une réplique à la fois, oui, j'arrive, Marilyn j'arrive. Parvient pourtant à terminer le film. Elle arrive. Constamment en retard sur le tournage, elle continue aussi à arriver en retard chez son psychanalyste. Bonjour. Vous êtes en retard. Je vous l'ai déjà dit, je suis en retard avec tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Alors essayez de faire un petit effort. Pourquoi tant d'hostilité envers ceux qui veulent vous aider, travailler en bonne entente avec vous? Nous sommes des alliés, pas des adversaires. C'est comme ça. Depuis le début. Sur mon premier film, Le Petit Train du Far West, l'assistant metteur en scène m'a menacé. Savez-vous, on peut vous remplacer. Et j'ai répondu vous aussi. L'imbécile. Il ne comprenait pas qu'être en retard, c'est s'assurer qu'on ne peut pas être remplacé. Et que les autres vous attendent, vous et personne d'autre. Et puis, vous savez, pendant mes retards, je ne suis pas absente. Je me prépare. Je refais mon habillement et mon maquillage encore et encore. Mon image, mes mots aussi. Je prends des notes sur ce que je vais dire et je prévois les sujets de conversation. Ici, vous n'êtes pas sur un plateau ni dans une soirée mondaine. Vous savez ce que votre retard signifie? Il veut dire « je ne vous aime pas, docteur Grinson. Je n'ai pas envie de venir vous voir. » Oh, si. J'aime venir vous voir, vraiment. J'aime vous parler, même s'il me faut regarder ailleurs pour ne pas sentir vos yeux sur moi. C'est ce que vous dites. Mais vos actes disent « je ne vous aime pas ». Marilyn se tut. Elle pensait que ses retards ne voulaient en fait dire qu'une seule chose. Vous m'attendez. Vous m'aimez. Vous n'attendez que moi. Aimez-moi, docteur. Vous savez bien que c'est toujours celui qui aime qui attend l'autre. Après cette séance, elle n'arriva plus jamais en retard. Souvent, elle déjeunait dans sa voiture pour être à l'heure. Elle commença même à être en avance. Une demi-heure, puis une heure. Finalement, elle ne savait toujours pas être à l'heure. Ce n'est peut-être pas pour faire attendre les hommes que je suis en retard. C'est pour faire attendre la mort. Après quelques séances à son cabinet de Beverly Hills, Grinson proposa à Marilyn de la rencontrer régulièrement chez lui afin de ne pas attirer l'attention du public. C'était une suggestion étonnante. L'accès à sa villa de Santa Monica se faisait par la rue et sa famille vivait avec lui. Ses enfants, Johan et Daniel, savaient que leur père recevait des clients célèbres. Mais ils furent surpris de le voir changer ses habitudes et annuler des rendez-vous à son cabinet pour recevoir chez eux Marilyn Monroe. Je peux ? Bonjour. L'analyste ne reconnut jamais l'erreur de traitement consistant à amener Marilyn dans sa propre maison, puis à faire d'elle un membre de sa famille. Lui, qui définira le but de l'analyse comme l'accès du patient à l'indépendance de pensée, fit exactement le contraire. Il écrit fièrement à Marianne Criss, la psychiatre qui la suivait à New York depuis quelques années. Je suis en train de devenir son seul et unique thérapeute. Lors de notre dernière entrevue, je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler tous les jours si elle voulait. Parce qu'elle est tellement seule et qu'elle n'a personne d'autre à voir ni rien à faire hors du tournage si je ne la reçois pas. Et si je l'accueille parfois chez moi le soir, c'est pour qu'elle survive. Un soir, après sa séance, elle était rentrée de Santa Monica en taxi et avait invité le chauffeur chez elle, puis avait passé la nuit avec lui. Grinson s'emporta contre ce comportement qu'il jugea pathologique, et sa femme conseilla à l'actrice de rester chez eux les soirs où la séance se prolongeait tard, ce que fit Marilyn de temps à autre. Grinson continuait à se justifier auprès de ses collègues. Il s'agissait d'une stratégie délibérée afin qu'elle survive et puisse prendre sa place sur le plateau du milliardaire. Bien qu'elle ait l'air d'une toxicomane, elle n'entre pourtant pas dans cette catégorie. Elle cesse parfois de prendre ses drogues sans présenter les habituels symptômes de manque. J'ai bien essayé de la sevrer en lui recommandant des règles d'hygiène de vie, mais en vain. Un soir, elle m'a fait appeler au Beverly Hills Hotel pour une intraveineuse de pain total. J'ai dû accepter. Je lui ai dit que tout ce qu'elle avait déjà absorbé aurait suffi à assommer une demi-douzaine de personnes et que si elle ne dormait pas, c'était qu'elle avait peur du sommeil. Je lui ai promis de la faire dormir avec moins de somnifères pourvu qu'elle reconnaisse qu'en fait elle luttait contre le sommeil et cherchait une forme d'oubli qui n'était pas le sommeil. Comment puis-je dormir? Comment cette fille tombe endormie? À quoi pense-t-elle? Pourquoi dit-on les petites heures pour parler de celles de l'aube qui sont les plus longues? La vaste et belle maison de style mexicain des Grinson à Santa Monica accueillait des célébrités et des psychanalystes dans de brillantes soirées. Il fallait absolument y être quand on appartenait à l'élite de Los Angeles. Le psychanalyste, amoureux des arts, était aussi violoniste à ses heures. Même s'il ne travaillait jamais son instrument, c'était un amateur dévoué et passionné. Bonsoir Marilyn, vous voulez peut-être, je ne sais pas, vous voulez venir avec nous vous rapprocher des musiciens? Pour être plus près de la musique, il faut être plus loin des musiciens. En revanche, Daniel, oui, je veux bien une autre coupe de champagne. Ah, bien sûr. Ainsi, on s'assemblait pour écouter de la musique de chambre et grignoter des canapés sur des assiettes en carton. Grinson aimait l'argent, mais comme un joueur, c'est-à-dire pour s'en défaire, en montrant qu'à travers lui, il ne cherchait ni le pouvoir ni la reconnaissance. Chez lui, tout était simple et terriblement chic. La conversation était l'attrait principal de ses soirées. C'était le seul salon psychanalytique dans lequel on pouvait s'amuser. Il y avait toujours des gens venus d'horizons très divers. On croisait Anna Freud, l'anthropologue Margaret Mead, les sexologues Masters et Johnson, plus tout un tas de gens d'Hollywood. Aux yeux de tous, venir chez les Grinson à Santa Monica quand on vivait à Los Angeles, c'était comme jouir d'une oasis intellectuelle et artistique au milieu d'un désert d'argent. Régulièrement invitée à ses soirées musicales, Marilyn se tenait à l'écart, recroquevillée dans un fauteuil de velours bleu, agitant gracieusement sa main aux inflexions de la musique. Pour être plus près de la musique, disait-elle, il faut être plus loin des musiciens. Elle repensait au piano blanc de sa mère, un Baby Grant de Mark Franklin. Durant la brève période où elles avaient vécu ensemble à Los Angeles, dans la maison d'Arbol Street, près du Mont Washington, Gladys Baker avait acheté ce piano dont la légende familiale disait qu'il avait appartenu à l'acteur Frederick March. Ensuite, chez Ida Bolander, l'une de ses mères adoptives, une certaine Marion Miller lui avait donné des leçons durant un an. Sa mère avait payé. Elle se débrouillait avec les petits classiques et était secrètement fière de pouvoir jouer la lettre à Élise. Mais bientôt, la vie chaotique de Marilyn, ballottée de maison en maison, avait empêché qu'elle continue à jouer de l'instrument. Baby Grant. Elle riait toujours en disant ce nom. C'était comme elle, un peu grand et si petit. Quand sa mère avait été internée, le piano avait été vendu. De toute façon, elle n'avait jamais vraiment su en tirer de la musique. Elle racheta le piano et ensuite, partout, de New York à Los Angeles, elle voulut toujours le garder avec elle. Elle y revenait, comme vers un ami perdu. Elle aimait le caresser du bout des doigts quand les gens devenaient sourds et la vie invivable. Je vous montrerai quelque chose. En Grinson, Marilyn aima peut-être surtout le musicien, même pathétique et ridicule. Elle sentait que plus que les mots et les idées, la musique lui tenait à cœur. Le psychanalyste s'y reposait du besoin de voir et d'être vu. Lors de l'une de ces soirées, il prit Marilyn par l'épaule et l'emmena près de la baie vitrée donnant sur la mer. Il y a des ciels comme ça, comme cette musique qui donne envie de mourir et vous remplisse de ce plaisir désespéré que laisse toute chose accomplie. Elle se demanda d'où il sortait cette phrase qu'elle ne comprit pas tout à fait, mais qui agit sur elle comme un charme. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Deuxième épisode. Avec Clotilde Morgiève, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouhabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Philippe Lodenbach, Milton Wexler, Léonie Pinjot, Johan Grinson, Daniel Lopez, Hildy Grinson, Paul Benet, Bonis Borgolotto et Lucie Merca, les musiciens, et avec Karim Abdelaziz, Sandra Bechtel, Jean-Claude Bonifay, Christine Culerier, Thierry Gary, Brigitte Gedge, Brice Hilleré, Patrick Michaelis, Pierre-Stéphane Montagnier, Franck Hippin, Thierry Pietra et David Sordoyer. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. You.